Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'ascension d'Hitler vers le pouvoir. Le rôle que la France, aiguillonnée par sa soif de vengeance et systématiquement guidée par les Juifs, joue aujourd'hui en Europe, est un péché contre l'existence de l'humanité blanche et déchaînera un jour contre ce peuple tous les esprits vengeurs d'une génération qui aura reconnu dans la pollution des races le péché héréditaire de l'humanité. Hitler affiche déjà clairement dans son livre Mein Kampf, Mon combat en français, toute sa haine à l'endroit des Juifs et tout son ressentiment à l'égard de la France. C'est en prison, à la suite du putsch raté de 1923, qu'Hitler écrit Mein Kampf. Hitler tirera une leçon importante de l'échec du putsch de 1923. C'est par les voies démocratiques qu'il prendra la tête de l'Allemagne. Hitler a changé de stratégie à plusieurs reprises au cours de la période, mais avec un point commun, l'utilisation de voies légales. Hitler avait tiré toutes les conséquences de l'échec du putsch de 1923 qu'il avait tenté à Munich, et il était résolu à jouer systématiquement le jeu des élections, le jeu de l'appel au suffrage universel et naturellement aussi de la manœuvre avec les autres partis politiques. Hitler présentait toujours ses revendications politiques de manière très modérée. Par exemple, quand après son triomphe aux élections de juillet 1932, il a été reçu par le président maréchal von Hindenburg, qui le méprisait. Il n'a présenté au président du Reich, le maréchal von Hindenburg, qu'une revendication très limitée. Que lui soit chancelier, un ou deux postes pour le parti nazi, c'est tout. Pour tout le reste, ce seraient les hommes choisis et préférés par le président, des conservateurs ou des personnalités indépendantes du monde des affaires ou de l'armée. L'historien Paul-Marie Delagorce à l'émission Au fil du temps en 1993 pour nous raconter l'ascension d'Hitler vers le pouvoir. L'historien André Champagne est avec nous. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Quand commence donc le parcours politique d'Hitler? Dès 1919, au lendemain de la défaite, en novembre 1918, Hitler a été victime d'une attaque au gaz. Il est temporairement aveugle. Il est complètement étonné, vraiment abasourdi par la défaite. Et il ne sait pas comment trop faire pour se réinsérer dans la vie civile. Alors, il offre ses services à l'armée et il devient agent de renseignement de l'armée allemande. Et sa mission, c'est d'aller écouter des discours, des groupuscules d'extrême droite qui pullulent à ce moment-là à Berlin et à Munich. Et en septembre 1919, il se rend à une assemblée du Parti des travailleurs allemands, le DAP, ouais, qui se déroule à Munich. Parti qui a été fondé par un serrurier qui s'appelle Anton Drexler. Il adore ce qu'il entend et il devient membre du parti. Et assez rapidement, 2 ans plus tard, en 1921, Hitler met en demeure le DAP. Je deviens le chef ou je quitte le mouvement. Et, étant donné ses talents d'orateur, étant donné que depuis que lui participe aux assemblées, on voit le nombre de membres s'accroître. On voit également qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à écouter, ouais, ces ralliements-là. Alors, le parti n'a pas le choix que de l'accepter. Et en plus de ça, il décide de changer le nom de DAP à Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Et il rédige le programme en 25 points qui va devenir le programme du parti nazi. Donc, c'est en 1921 que naît ce fameux parti... Le parti nazi, mais qui découle du DAP, exact, le Parti des Travailleurs Allemands. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'Hitler lui-même, d'ailleurs, réalise ses dons d'orateur, le charisme qu'il a à ce moment-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Hitler est conscient du contexte qui règne en Allemagne. L'Allemagne a été vaincue en 1918 dans des circonstances assez étonnantes. Pourquoi étonnantes? Parce que l'armée allemande occupe une partie de la Belgique, le nord-est de la France. Elle occupe un tiers de la Russie. Et il n'y a pas eu de combats qui se sont déroulés en Allemagne elle-même. Et l'armée allemande rentre en bon ordre. Oui. Conséquemment, le peuple allemand est abasourdi et on lui apprend qu'on a perdu. Alors on cherche des responsables et puis évidemment, c'est le régime républicain. Ouais. Qui a été mis en place juste avant la défaite. Et Hitler va faire sa carrière sur cette thématique-là. Et son idée est relativement simple. Venger, ouais, la défaite de 1908 et régler nos comptes avec ceux qu'il appelle les criminels de novembre, ceux qui ont reconnu la défaite. Et il tentera de prendre le pouvoir une première fois par la manière forte. On l'évoquait un peu plus tôt dans l'émission. 1923, tentative de coup d'État. Comment arrive-t-il à cette idée de faire un coup d'État? Parce qu'il a été impressionné par ce que fait Mussolini. Mussolini, en octobre 1922, rappelons aux auditeurs, qu'il a organisé ce qu'on appelle la marche sur Rome. Les chemises noires, les chemises fascistes, ses partisans sont entrés dans Rome et le roi d'Italie, Victor Emmanuel, a tout simplement invité Mussolini à former le gouvernement. Alors Hitler s'est dit, il est possible de faire la même chose ici en Allemagne. Alors, étant donné que le parti nazi avait ses assises à Munich, il a profité de la crise inflationniste qui régnait à ce moment-là en Allemagne, la crise politique également, le gouvernement était complètement dépassé, la misère ambiante, et il s'est dit, bon, je vais prendre le pouvoir à Munich, et il croyait que c'était possible parce qu'il avait l'appui du maréchal Erich Ludendorff, qui était un des dirigeants de l'armée allemande en 1918. Donc, il s'est dit, avec l'appui de Ludendorff, je pourrais prendre le pouvoir à Munich, et de Munich, nous marcherons sur Berlin. Ouais. Le problème, c'est que l'armée a tiré sur des putschistes et Hitler a été obligé de reconnaître son échec. Il a été arrêté, jugé pour haute trahison, sauf qu'il a transformé son procès en tribune et il s'est présenté comme celui qui pourrait sauver l'Allemagne, qui pourrait régénérer l'Allemagne. Et donc, il a vraiment su manipuler l'opinion publique. Ouais. Finalement, il a été condamné à 5 ans de prison. Il n'en a fait que 18 mois. Ouais. Et c'est durant ces 18 mois d'emprisonnement qu'il écrira son fameux Mein Kampf, Mon combat en français. Tout le monde aurait dû comprendre, au moins à partir de l'hiver 1922-1923, que la France poursuivait avec une inflexible logique, même après la conclusion de la paix, les objectifs qu'elle avait au début de la guerre. Car personne ne croira que la France, dans la lutte la plus décisive de son histoire, ait mis en jeu pendant 4 ans et demi le sang de son peuple dont elle n'était point riche, simplement pour recevoir des réparations, contrepartie des dommages subis. L'Alsace-Lorraine même ne suffirait pas à expliquer l'énergie avec laquelle la France conduisit la guerre s'il ne s'était agi d'une partie d'un vaste programme d'avenir de la politique étrangère française, démembrer l'Allemagne en une Macédoine de petits États. C'est pour atteindre ce but que la France chauvine a combattu. Si j'étais français, et si par conséquent la grandeur de la France m'était aussi chère que m'est sacrée celle de l'Allemagne, je ne pourrais et ne voudrais agir autrement que ne le fait, en fin de compte, un Clémenceau. La nation française ne peut continuer à jouer un rôle important dans le monde qu'en démolissant l'Allemagne. Un extrait de Mein Kampf lu par Jacques Keble à l'émission Une paix illusoire, diffusée en 1989. On a déjà dit, on a souvent dit, André Champagne, que tout est là dans Mein Kampf. Est-ce que c'est vrai? Dans quelle mesure, effectivement, on a une idée claire de tout ce qui suivra? Oui, il annonce son programme parce que dans un premier temps, il fait le procès de ceux qu'il appelle les criminels de novembre. Donc, ceux qui ont... C'est ce gouvernement républicain qui a accepté l'armistice, qui a accepté le traité de Versailles. Ensuite, il fait le procès de la France et il présente son programme de rénovation de l'Allemagne qui passe par l'élimination de la minorité juive allemande. Pour lui, les Juifs sont responsables de tous les problèmes que subit l'Allemagne. Conséquemment, ils doivent être expulsés d'Allemagne. Et aussi, il annonce ce qui deviendra, en juin 1941, l'opération Barbarossa, c'est-à-dire sa grande croisade contre ce qu'il appelle le péril judéo-bolchéviste. Parce que pour lui, le communisme, c'est vraiment le problème majeur. Et le communisme, c'est une invention des Juifs. Donc, l'amalgame. Alors, tout ça est dans Mein Kampf. Toute sa politique expansionniste, sa politique de remilitarisation est annoncée dans Mein Kampf. Ce qui est fascinant quand on regarde l'histoire de cette ascension d'Hitler vers le pouvoir, c'est cette petite période de 5 ans entre 1928 et 1933. Il est aux élections de 1928 à 2,6% du vote populaire enregistré. 5 ans plus tard, il devient chancelier. Comment y arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe, André Champagne? C'est la crise économique. C'est la crise économique qui va tout simplement... Il surfe sur deux choses, en fait. La situation économique et puis ce vieux ressentiment. Là. Exactement. L'esprit revanchard, les injustices du traité de Versailles, parce que le traité de Versailles a été vraiment extrêmement dur à l'endroit de l'Allemagne. Coûte très cher. Et même John Maynard Keynes avait averti que ce traité-là, que les conditions imposées à l'Allemagne allaient créer un sentiment de revanchard. Il ne s'était pas trompé. Donc, en 1929, l'Allemagne est durement touchée par la crise, d'autant plus que les Américains retirent tous leurs prêts, tous leurs investissements. Et donc, les chiffres sont assez révélateurs. On va y venir dans un instant aux chiffres, André, mais 29, effectivement, ce sera le coup fatal, mais ça vaut quand même la peine de parler un peu, on l'a peine effleurée de 23, parce qu'il y a vraiment aussi une crise inflationniste très, très forte en 23. On écoute là-dessus Jacques Keble lire un extrait du journal de Stefan Zweig où il décrit justement les effets de cette crise inflationniste de 1923. C'est alors que commença le vrai sabbat de l'inflation. J'ai vécu des journées où je payais le matin 50 000 marks pour un journal et le soir 100 000. Un lacet de souliers coûtait plus cher que précédemment un soulier. Pour 100 dollars, on pouvait acheter par fil des maisons de 6 étages sur la Coudam. Des fabriques évaluées en devises étrangères ne coûtaient pas plus cher que naguère une brouette. Les chômeurs se traînaient par milliers dans les rues et ils montraient le poing aux mercantiles et aux étrangers qui passaient dans leurs automobiles de luxe et qui achetaient toute une rue comme une boîte d'allumettes. Quiconque savait lire et écrire trafiquait et spéculait, gagnait de l'argent et avait avec cela la conviction que tous se trompaient mutuellement et étaient trompés à leur tour par une main cachée qui avait sciemment mis en scène ce chaos afin de libérer l'État de ses dettes et de ses obligations. C'est déjà, André Champagne, plutôt catastrophique cette situation économique de l'Allemagne en 1923. En 1929, vous aviez des chiffres pour nous, ça devient carrément tragique. Écoutez, tout à fait, parce que le chômage augmente considérablement. Écoutez ceci, l'économie est ébranlée par la crise mondiale. En avril 1930, on compte 2,7 millions de chômeurs. En avril 1932, 4,3 millions et 6 millions en janvier 1932. Ouais. À ces chiffres, il faut ajouter les centaines de milliers d'ouvriers qui travaillent à temps partiel. Au début de 1932, 18 millions de personnes vivent d'allocations de secours et mangent dans les soupes populaires. 20 millions d'Allemands disposent d'un revenu réduit de moitié par rapport à 1929. Donc, c'est le désespoir et, étrangement, les gouvernements qui se succèdent pratiquent une politique de déflation, c'est-à-dire qu'on réduit les dépenses et on augmente les taxes au moment où les salaires sont réduits et les prix des produits, eux, restent stables. Donc, les gouvernements démontrent leur incompétence. Et cette crise économique-là rappelle étrangement ce qui s'est passé en 1923. Et cette crise économique-là, l'incompétence des gouvernements qui se succèdent démontre que, dans le fond, c'est probablement le régime issu de la défaite, donc ce qu'on appelle la République de Weimar, c'est-à-dire la démocratie, la République, qui sont responsables des malheurs. Conséquemment, on est beaucoup plus sensible en Allemagne au discours extrémiste, que ce soit le discours du Parti communiste ou le discours des nazis. Parce que la situation, l'Allemagne crève de faim, et puis il y a cette injustice, cette inégalité, là. Le 1% de l'époque, mettons que on pourrait discourir beaucoup là-dessus, c'est vraiment très, très difficile économiquement. C'est aussi très difficile politiquement. Instabilité assez surréaliste presque. Les gouvernements se succèdent à un rythme fou. Les Allemands passent leur temps à voter. Écoutez, vous avez des élections le 14 septembre 1930, le 31 juillet 1932, le 6 novembre 1932. Et depuis la mi-1930, c'est Heinrich Brüning qui est chancelier, qui essaie de gouverner tant bien que mal. Mais Heinrich Brüning va tout simplement commencer à gouverner par décret. Donc, quelque part, la Constitution est suspendue. Le régime républicain est suspendu. Parce que l'Allemagne est ingouvernable. L'Allemagne est ingouvernable. Et à partir du moment où Brüning gouverne par décret, il crée un climat qui est favorable à l'arrivée au pouvoir d'un parti qui serait autoritaire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui se produit entre le déclenchement de la crise et la fin 1932, c'est la panique qui gagne les classes dirigeantes qui se disent que ce contexte-là est favorable à l'émergence de la gauche. Ouais. D'ailleurs, écoutez, si je regarde le résultat, le Parti socialiste remporte 143 sièges en septembre 1930, 133 en 32, 121 en 32. Mais le Parti communiste, lui, sa progression, c'est de 77, 89 à 100. Et on craint que si jamais socialistes et communistes s'associaient, ils pourraient tout simplement former la coalition qui gérait l'Allemagne. Donc, il y a cette crainte-là. Et aussi, depuis 1917, depuis la révolution bolchevique, une partie du prolétariat allemand, de la même manière que les prolétariats des différents pays qui constituent l'Europe, croient que l'avenir est du côté de Moscou. Oui. C'est l'idée de la grande lueur à l'Est. Il y a une vraie alternative qui existe maintenant. Exactement. On y revient à cette situation économique catastrophique qui fait que il y a des gens qui craignent que cette force communiste puisse effectivement profiter de ce chaos économique pour prendre le pouvoir. Tout à fait. Et soudainement, Hitler et CSA, ces chemises brunes, qui, eux, bagarrent quotidiennement contre le Front de Frères et le Front de Rouge, qui sont les milices des socialistes et des communistes, sont perçus par les classes dirigeantes, par la grande bourgeoisie, par les grands propriétaires terriens, comme le rempart contre le péril bolchevique. Donc, ça va lui profiter, finalement. Les communistes sont à la fois son pire ennemi politique et en même temps son plus grand allié. Exactement. Avec l'effet que ça aura. Qu'est-ce qu'il va dire? Il y arrivera, donc, à prendre le pouvoir en 1933. On reviendra sur le fin détail dans quelques minutes de comment ça va se faire à la toute fin, parce qu'il y aura quelques élections là, avant qu'il accède au pouvoir, mais sur sa stratégie électorale presque, André Champagne, qu'est-ce qu'il va leur dire, le discours? Qu'est-ce qu'il dit aux Allemands? Hitler promet aux Allemands de mettre un terme, d'écraser le péril communiste. Première des choses. Deuxièmement, démanteler les syndicats. Troisièmement, déchirer le traité de Versailles, réarmer l'Allemagne. Donc, ainsi, avec ce plan de réarmement-là, on pourrait dynamiser, donner vraiment du travail aux Allemands. Donc, Hitler, ce qu'il promet à la population allemande, c'est de lui redonner du travail et de lui permettre de récupérer son honneur perdu. Ouais. Par redonner à l'Allemagne sa grandeur. Exactement, sa grandeur, et de sortir du carcan imposé par le régime de Versailles. Parce que rappelons que le traité de Versailles avait limité l'armée allemande à seulement 100 000 hommes. Oui. Entend cette chanson, cet hymne, Nous sommes les hommes d'Hitler, chanson des sections, des fameuses sections d'assaut, les SA. Ça nous amène à parler, on l'a très, très légèrement évoqué, du contexte social. Il y a cette grande instabilité politique dont on parlait, André Champagne, en Allemagne, au tournant des années 30. Il y a ce contexte économique très difficile. Et puis, il y a, et là, on se rapproche de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, beaucoup de violence. Et Hitler va en jouer de ça, entre autres, avec les fameux SA. Oui, pourquoi? Parce que dans les grandes villes allemandes, notamment à Berlin et à Munich, on assiste, à partir du début de la crise économique, on assiste à des affrontements pratiquement quotidiens entre les SA, les fameuses chemises brunes, et les milices du Front Rouge et les milices du Front Vert, donc les milices des partis socialistes et communistes. Et étant donné que les classes dirigeantes ont peur, ont très peur du communisme, les autorités policières, les autorités civiles ferment les yeux face à ça. Bruning, en 1932, ordonne la dissolution des milices nazis, communistes et socialistes. Donc les partis ont chacun leur milice. Chacun leur milice, sauf que la milice, les SA, les chemises brunes de Hitler, ont l'appui quelque part de l'armée, des classes dirigeantes. Pourquoi? Parce que ce sont des milices qui défendent les intérêts des classes dirigeantes. Ouais. Et dans l'armée, on se dit, si jamais Hitler arrive au pouvoir, on pourrait éventuellement intégrer la SA à l'armée. Ouais. Parce que la plupart des jeunes qui adhèrent à la SA sont d'anciens soldats qui ont combattu entre 1914 et 1918, qui ont développé un goût pour la violence et qui n'attendent que ça, ouais, n'attendent que de voir Hitler arriver au pouvoir et relancer le programme de réarmement. Et cette violence quotidienne, évidemment, on est en Allemagne, il ne faut pas perdre de vue la culture ambiante, les attributs du peuple allemand, ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui sont indisposés par tout ça. La classe dirigeante, mais l'Allemand, monsieur et madame, tout le monde aussi. Et ça joue en faveur d'Hitler. Il faut trouver une solution à ça. Puis quelque part, c'est peut-être Hitler qui va l'incarner. C'est Hitler qui va l'incarner. Et on sait également ce qui se passe en Italie depuis 1922. Comment Mussolini a pris le pouvoir? C'est grâce à ses chemises noires. Et ces chemises noires, une fois que Mussolini a pris le pouvoir, il a rétabli l'ordre en Italie. Alors, en Allemagne, les bien-pensants, même les classes moyennes qui craignent justement la prolétarisation, se disent que, somme toute, c'est possiblement la solution chez nous si on regarde ce qui se passe en Italie. Alors, il va y arriver, Adolf Hitler. Il va accéder au pouvoir en 1933. Ça va se faire en quelques étapes. L'historien Paul-Marie de Lagorce évoquait ce contexte-là au tout début de l'émission. Décrivez-nous un peu la séquence, les négociations avec Hindenburg. Comment ça va se passer? Bon, tantôt, j'ai parlé du chancelier Bruning. Le chancelier Bruning arrive au pouvoir au printemps 1930. Il fait une grosse erreur au printemps 1932. Il décide, lui, de socialiser, c'est-à-dire de distribuer les terres des grands propriétaires terriens, des fameux Junkers, la classe des grands aristocrates, qui ne s'occupent pas de leurs terres, qui n'exploitent pas leurs terres. Alors, il décide tout simplement de les redistribuer à des paysans qui manquent de terres ou des paysans pauvres. Alors, c'est vu comme du bolchevisme agraire. Et c'est une erreur majeure. Pourquoi? Parce que les hauts cadres de l'armée, les officiers de l'armée, les généraux proviennent de cette classe des grands propriétaires terriens qu'on appelle les Junkers. Alors, en s'attaquant à la classe des Junkers, il s'aliène complètement les seuls soutiens qui lui restaient. Conséquemment, il ne peut plus gouverner. Alors, Hindenburg, qui ne veut pas confier le pouvoir à Hitler, va essayer deux ultimes chanceliers, Von Papen et Schleicher, qui vont tenter tant bien que mal de gouverner. Ils n'y arrivent pas. Tant et si bien que à la fin 1932, début 1933, Hitler apparaît comme la seule alternative. Et Hitler rencontre les grands capitaines de l'industrie et de la finance, début janvier 1933, et il leur annonce ses intentions, son programme. Oui. Alors, son programme est relativement simple. Démanteler les syndicats, interdire le Parti communiste, déchirer le traité de Versailles et relancer l'économie allemande par un programme de réarmement. Mm-hmm. C'est exactement ce que la classe dirigeante voulait entendre. Conséquemment, on fait les milieux de l'industrie et de la finance font des pressions sur Hindenburg pour rappeler Hitler à être chancelier, ce qui se produit le 30 janvier 1933. Hitler est nommé chancelier et dans son gouvernement, il n'y a que trois nazis. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Hitler, en l'espace de 6 mois, donc entre le 30 janvier 1933 et le début juillet 1933, Hitler va éliminer à toute fin pratique toute forme d'opposition. En quelques mois, l'Allemagne devient une dictature, un régime autoritaire, et Hitler va tout simplement utiliser la force que représentent ces SA. Mm-hmm. Rappelons qu'à ce moment-là, ils sont 500 000. Il va faire des pressions sur la classe politique. Les partis vont littéralement s'auto-dissoudre. Le Parti communiste sera interdit, lui, suite à l'incendie du Reichstag. Incendie du Reichstag qui survient le 28 février 1933. Et on saura ultérieurement que ça a été un coup organisé par les nazis. Mais ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle la démocratie s'effondre en Allemagne. Au final, André, si on avait à résumer, j'ai l'impression, après vous avoir écouté nous raconter cette ascension d'Hitler vers le pouvoir, dans quelle mesure il y a une réelle adhésion, un engouement pour Hitler? J'ai l'impression qu'on est plus dans de l'opportunisme, dans des ruses politiques qui vont le conduire au pouvoir. C'est en fait, oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'est de la ruse, que c'est de la manipulation, c'est du mensonge éhonté, mais en même temps, c'est la crainte qu'éprouvait la grande bourgeoisie allemande, mais les classes moyennes craignaient d'être de la paupérisation, qui ont vu Hitler comme un recours, mais Hitler va gagner en popularité entre 1933 et 1938. Pourquoi? Parce qu'il va effectivement rétablir le plein emploi avec des méthodes assez discutables et il va redonner à l'Allemagne une puissance militaire et il va récupérer les territoires perdus en 1919 et surtout il annexera l'Autriche en 1938, la région des Sudètes en 1938. Et un des grands historiens allemands disait, si Hitler était mort à l'automne de 1938, il aurait été considéré comme le plus grand des Allemands de l'histoire. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.